car de nouveau je me mets en mode infiltration sans trop dévoiler le projet. Amène ce qu'il faut de boxon, juste ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'action. Ce qu'il faut c'est mélanger 9 de 9 4 opérationnel devant l'éternel. J'interpelle toute la population des tourelles telles qu'elles. J'en place une pour l'union, pour mes gants hardcore combinaison. Je marque d'ores et déjà le blast dans la légende du béton. Depuis qu'on chante, ça n'arrête pas de causer. Reviens dans la réalité, ma rue pue, héros est vanté. Tenter d'être puissant, entasser, cash money. Pense aux défis, aux gens qui survivent en bas de la tour maudite. Ne veux pas voir les siens qui mendient, c'est la merde. Tout ce monde est gros de pite. Bonne la sauce, lâche le grand arrêt, la lacrymo. Écoute la bonne vibe crimino, voilà où un vino. Voilà une grosse claque d'une grande clique, C-O-M-I-T, rappeur technicien à la recherche de fric cousin. Jusqu'à faire jouer les feuilles vierges, jusqu'à faire ressentir la vibes aux frères. Tu crois que je te parle de quoi? Description du bitume, unification des causes du trottoir, histoire de se faire des thunes. Voilà comment ça tape chez nous, en fait voilà comment ça se passe partout. Activité sportive, écriture je doux, on s'en sort comme on peut fiston. Association de malfaiteurs dans les halls du cuvron. À part Dieu tu crois qu'on craint qui? À part notre éducation qui nous apprendra à quoi? Visualisation en béton, coordination des mouvements pour éviter la prison. C'est bien ça l'union, c'est bien ça l'union. Bloc atmosphère, j'ai hâte, moins 2, vive moins 2. Chose dure 9 fois 2, moins 2 en 20, je viens du 9 plus 2. Rien de neuf, plus de coke et pas moins de tox. Et les jeunes kiffent le bruit de mon glock, pilier de nos blocs à la base. Pur le style, fait pleurer le stylo. Gratte le bloc en tout le dehors, je l'inspire. Là c'est un môme qui part, on dirait pas marre de la rue. Encre rouge, chant du son pour faire mal. Les mêmes choses à dire, pas la même façon de le faire. Si tu penses faut t'en pas la main aux fraises. Ce qui nous unit, plein de choses. Du béton, une couleur, un joint d'herbe, une caisse claire. Là, là, c'est pour les mecs de chez moi et tous ceux que j'ai perdu en chemin. C'est haut, aujourd'hui qu'on s'impose. Oh c'est le niveau, c'est O-M-I-T. Mon frère ce soir je vais devoir lever les bras, lever la voix, oublier les coups de secret, faire tout péter en éclats. Vas-y ce soir je vais devoir bouger la tête de haut en bas. C'est la hala, car ce soir on s'en bat. Mon frère ce soir je vais devoir lever les bras, lever la voix, oublier les coups de secret, faire tout péter en éclats. Vas-y ce soir je vais devoir bouger la tête de haut en bas. C'est la hala, car ce soir on s'en bat. Mes erreurs braille depuis qu'on m'a coupé le cordon. Ma vie coordonnée à celui qui dissimule mes erreurs. Miséricorde on doit demander l'union et paix pour que le monde soit enfin unis comme les cinq doigts de la main. Aperçoit de loin la déchéance dans les cœurs et soumis au matériel, manque de douceur, trop d'oppresseurs. Quand l'agresseur se punit, désuni à celui qui réunit. Pour mes frères et sœurs s'explique et le cœur pleure de ne pas avoir compris. Paranoïa et sœur voudrait niquer le monde carrément noyé en douceur. Le poing serré avec la haine, avertisseur 2001, le siècle de notre génération. Tête à coloration de tout pays, fierté de là ne pas oublier la révélation. Parce que le monde cache l'endroit où je suis né, je le rappe. Écrivain de la merde jusqu'au champ, ma voix craque et fâche claque. L'élite du pays, flot paradisiaque des textes où se mêlent. Cowboy et bandit m'a cliqué. Dealer de texte, mec, faisant l'amour au pain de silette. Façon art de sexe, échec, les becs et cette test. Y'a pas de faux flingue ici, rap, écriture, flow, suffis à flinguer MC. Tu pisses sur notre son, y'a pas de quoi. J'suis sûr que ça sonne le son, écoute-le, c'est pour mes gars ce son. C'est bête, certains font parler leur beat. Sophie X fait le sous sa botte, j'suis pas la bite, mon titre, la gloire. Sans faire le beat, même si dans l'hip-hop c'est la foire. Vision, Sophie trop teintée, je cite qu'ici à Paris c'est quinté. Plus de suceurs, plus de précurseurs, bon ou mauvais, combinaison gagnante. 9-2-2-2-0, 9-4-3-0, hétéro, car mec à l'ancienne, Ken sur scène, nos chromes sans flemme, reste en blême qu'on aime, mais en beau même. Si tu grimes que nous, on prime que toi, nous, bonne stratégie pour faire des sous. À long terme, trop trou du cul, têtu, vêtu, d'une tenue qui t'indique, roro. Pas de ça pour Eve de Lille, mon bagne à la hanche, coco. Jeunesse dans l'arène, graine de mauvais ou de bon. Dépend des jours, c'est con. Quand je glande, ça m'engraine, mais bon, là, y'a trop de blabla. Mon frère, ce soir, je vais devoir lever les bras, lever la voix, oublier les coups de secret, faire tout péter en éclats. Vas-y, ce soir, je vais devoir bouger la tête de haut en bas. C'est la hala, car ce soir, on s'en bat. Mon frère ce soir je vais devoir lever les bras, lever la voix, oublier les coups de secret, faire tout péter en éclats. Vas-y ce soir je vais devoir bouger la tête de haut en bas. C'est la hala, car ce soir on s'en bat. Mon frère ce soir je vais devoir lever les bras, lever la voix, oublier les coups de secret, faire tout péter en éclats. Vas-y ce soir je vais devoir bouger la tête de haut en bas. C'est la hala, car ce soir on s'en bat. Mon frère ce soir je vais devoir lever les bras, lever la voix, oublier les coups de secret, faire tout péter en éclats. Vas-y ce soir je vais devoir bouger la tête de haut en bas. C'est la hala, car ce soir on s'en bat.